avec des. Yeah, yeah, yeah, yeah. Avec des scies, je les cisaille, les découpe jusqu'aux entrailles. Ils prennent du plaisir à draille pour mieux empocher ta maille. Avec des scies, je prends des arbitres pour les mettre dans le garde-à-vue. Carton rouge pour tous ces stars qui t'insultent quand ils te parlent. Avec des scies, je suis pisse, c'est la paix qui m'anime. Ok, l'amour que j'aiguise et les cœurs que je mise. C'est l'amour que je guette et la foi que je check. Tout simplement, j'espère. Yeah, de la trique, des zéros, plein de flic, nos hauts, plein de fric dans nos poches, et plein de merde dans leurs mots. Tous ces jeunes qui raccrochent, et la mort loin ou proche. Pas des rois, pas d'âme, la bannière se décroche. Avec des scies, je me fais prier, à l'aide d'un mic et des idées, à l'aide d'une plume et d'un papier. Tout ça fait mal si t'as papier. Avec des scies, je prends du recul, à l'aide de mots et de calculs. Trop peu de rêves que l'on regrette, et beaucoup trop qui nous enculent. Sois la fin quand je dis, c'est au pire, est un choix de se respecter. Trop de rêves quand j'écris, trop de choix pour se barrer. Car je crois qu'avec des six, c'est toute la terre que je veux check.